Audiomatique. projet Lights Out Asia nous offrait son remix de la pièce Special Moment, originellement composée par Multicolor. Ce remix est exclusif à la compilation Emerging Organism Volume 5, produite par l'étiquette de disque Timpanic Audio, alors que la version originale de la pièce Special Moment se retrouve sur le mini-album de Multicolor intitulé Cyclicity. Vous écoutez la transmission 366 d'Audiomatique. Les sonoristes vous offrent maintenant à entendre le projet trifluvien Bio Bazar. We'll be right back.

Il s'agissait à Audiomatic du duo suédois DK7 et sa composition Life is Everywhere, extraite de leur premier album Disarmed, lancé en 2005. Et ce qui amorçait ce segment musical, c'était le projet trifluvien Bio Bazar, mené par Danny Janvier, de son album Festin Nu, paru en 2009. Nous entendions la pièce Madame Davis. Audiomatic se poursuit sur la musique de l'Exploding Star Orchestra, dirigé par Rob Mazurek. And the only neighborhood. And the only- Galaxy. espías calles torcidas, esas calles desconocidas que llevan lejos de la ciudad. Yo estoy enfermo de soledad. Como en la cama hallo el placer, en vez de necias voces profanas, amo el acento de las campanas en el fantástico atardecer. Yo estoy enfermo de soledad. A esa sonrisa que brota flor del labio impuro que amores miente, prefiero el trino con que la fuente bajo la luna canta su amor. Yo estoy enfermo de soledad. Sé que mí mismo llevo la paz y me ilumino de dulce calma cuando permito que mire mi alma todas las cosas que dejo atrás. Yo, enfermo de soledad. Yo, enfermo de soledad. Audiomatique, cette séquence concluait sur la musique de la formation Dos Santos et la pièce Soledad apparaissant sur leur tout nouvel album intitulé City of Mirrors, paru au début du mois d'octobre. Avant Dos Santos, nous écoutions la formation péruvienne Nova Lima et la pièce Cardo de l'album intitulé Afro. Et pour commencer, nous écoutions la composition A Wrinkle in Time Sets Concentric Circles Reeling, jouée par l'Exploding Star Orchestra, dirigée par Rob Mazurek. La pièce se trouve sur l'album Dimensional Stardust, paru en 2020. La transmission 366 d'Audiomatique se poursuit cette fois avec le groupe de Ewan McLean. Nothing would change it. Would I keep my smile? Keep it tight. You got it right. You got it right. Thank you. Audiomatique, nous écoutions la pièce Living in Memory, un extrait de l'album Simulations 1.0 du projet canadien L'Ombre, mené par Stephen Sire. Précédemment à L'Ombre, nous avions droit au groupe de Ewan McLean qui nous interprétait sa composition You Can't Have It Both Ways, enregistrée en concert à Varsovie, en Pologne, le 26 avril 2002. C'est sur la musique de DJ Shadow que prendra fin cette transmission d'Audiomatique. La pièce que nous allons entendre, intitulée Ashes to Oceans, apparaît sur l'avant-dernier album de DJ Shadow, The Mountain Will Fall. Nous vous invitons à visiter nos plateformes facebook.com/audiomatique-cfou et également mixcloud.com/audiomatique si jamais vous êtes intéressé à entendre ou réentendre nos anciennes transmissions d'Audiomatique. Nous serons de retour en ondes mercredi prochain dès 17h pour vous présenter la transmission 367 d'Audiomatique. Voici donc pour terminer DJ Shadow et Ashes to Oceans. C'était Audiomatique avec les sonoristes.